vie est courte. Je ne sais pas combien de temps il reste. Ouf. Naya Nganite, je suis coupable Nanini. Nadia qui famille en Ganina Katia malheur. Nissa qui m'a recopé sa tabonne. Mama wifana enji wapitinita o Montana kamumbai balelanga ye Yajudo masi amina overdose o Ikola mandete mote Bobo Boso Nzambe nimi sanga jete danete nebe Jango anana salaki mosalia satan Na bosta na kimoto na moto na etwale na ye Nalinga ki Namosa, Irlande, Nameta qui cognat à l'opolo, Nastade, mouvant, Nalina qui n'a qu'à qui se balaye à Kongwe, Naluka qui n'a mela, Oyoba, mela, Kate, Nalani, Mille, Loyo, Vérité, Sali, l'opola, moto, Atayo, Zipi, Ambo, Souka, Souka, et Kosi, qui sa, et Zibeli, Nango, Marco, Moussa, John Toussaint, Itel, décor. Richman Ansi, Freddy Le Sando, Bibiane Lenge, Bédo Dindanga, Adi Mawa, Mobati, Yoka Basoya Propre, Mosoka Sangwa, Femaya Kamax. C'est mon qui va chef d'espèce, Willy Kasha, Jacques Tang, Yalondaba, Japon Sayala, Alès Bobo, Olivier Ndoubassé, James Charles, 007 na Hollande, Harry Papa Kitata, Papa Nadelle Nanatepal, Chantal Ayebe Adolo Makanda Mawato, Viviane la princesse, Amanda la duchesse. Mana remercier, c'est Mana Loma. Mana remercier, c'est Mana Loma. Mana est un bon valet, merci à vous. Oui, pas de mal. Mana est un bon valet, merci à vous. Dédé à Manu, Dikasa, Simba Motema, Toleka.